Pour aller à Rabastens, je peux continuer tout droit? Oui, réponse A. Non, réponse B. Prendre cette sortie? Oui, réponse C. Non, réponse D.